Oui, c'est pas pire, pas pire. Fait que je fais des lectures pour me mettre en matière, là. Ils disent que la pensée humaine, c'est une structure mentale qui se dissocie de l'ego. Ça se dissocie complètement de l'ego, la pensée humaine. Hey, sweetheart. Where's your friend? Well, you know, the one. What's your name? There? Oh. La pensée humaine se dissocie facilement de l'ego. Ils disent, dans la mesure où l'ego... Dans la mesure où l'ego est volontaire à se dissocier d'elle. Ça se comprend-tu, ça? Est-ce qu'on comprend ça? Ça se dissocie de l'ego dans la mesure où l'ego peut se dissocier d'elle. Puis si l'ego se dissocie de la pensée, elle commence à être créative. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la pensée, elle peut pénétrer des arcanes de la nature qui sont fermées à la pensée rationnelle. C'est comme une porte très, très, très, très sensible, une fenêtre très, très sensible. Si l'ego est capable de se dissocier de la pensée devient créative dans le sens qu'elle peut entrer dans les arcanes de la nature. Les arcanes, ça veut dire les côtés cachés de la nature, qui ne sont pas accessibles par la pensée rationnelle. Mais il faut que l'ego soit capable de s'en dissocier. On va regarder ça en soi. On va étudier ce phénomène-là. Il faut que l'ego soit capable de s'en dissocier. Ils disent que l'ego a de la difficulté à s'en dissocier de la pensée parce qu'il a été scolarisé pendant l'involution. Il a été scolarisé à penser, à rationaliser. C'est du conditionnement, ça. On était tellement conditionnés, puis on est conditionné à partir du moment où on vient au monde, qu'on va à la petite école, et ainsi de suite. Fait que l'ego a été tellement scolarisé pendant l'involution que c'est très, très difficile pour lui de se dissocier de la pensée. Donc, il dit, c'est à cause de ça que la pensée est limitée. Puis que l'homme a de la difficulté à comprendre tous les aspects de sa vie, autant sa vie personnelle que la vie en général. Puis il dit, pour que l'homme en arrive à s'en libérer de cette limitation-là, il va falloir un jour, au cours de l'évolution de la conscience sur la Terre, qu'il en arrive à faire une connexion entre sa pensée et ce qu'ils appellent, eux autres, l'antithésation de la pensée. Autrement dit, l'homme a le choix. L'homme, il vit une pensée au niveau de l'antithésation de la pensée. Ce qui veut dire que la pensée est connectée à une entité qui est à l'origine, ou l'homme vit la pensée simplement au niveau subjectif, donc de la réflexion. L'homme a le choix. Si l'homme veut en arriver à progresser au niveau du mental, à avoir une conscience plus universelle pour comprendre les arcanes de la nature à tous les niveaux. C'est comme on prend par exemple le phénomène de la politique, les ennuis politiques qu'on vit aujourd'hui. Si vous avez le choix d'étudier la politique à partir des journaux, les opinions, ce que vous avez à l'université, l'histoire, où l'homme peut aller plus loin au niveau de l'antithésation de la pensée, aller chercher de l'information dans les arcanes de la nature pour comprendre le phénomène politique, par exemple, qui se passe au Moyen-Orient. À ce moment-là, l'homme est automatiquement libéré de la grande émotivité qui participe à la structuration de sa pensée philosophique rationnelle pour en arriver à un constat politique, planétaire, karmique, sur une base de plusieurs années, plusieurs générations, plusieurs siècles. Donc, l'homme en arrive à se dissocier émotionnellement de ce qu'il sait, parce que sa pensée est connectée à une entité quelconque qui est très, très personnelle à lui, dépendant de son niveau d'évolution. On a toutes des entités de différents niveaux. Au lieu de vivre une pensée purement réfléchie, basée sur des opinions que la presse nous fournit à gauche pour à droite, souvent des opinions qui sont totalement limitées, nocturnes, et même des opinions souvent réellement stupides. Ils disent que la limite de la pensée est la cause, est à l'origine de... à l'origine de la souffrance de l'homme sur la terre. C'est à cause des limitations de la pensée qu'on souffre. Si la pensée était connectée au principe d'entitisation, comme j'explique, à ce moment-là, l'homme pourrait se dissocier émotionnellement de sa pensée et en arriver à comprendre les arcanes de sa conscience, et à ce moment-là, l'homme ne pourrait pas vivre sur le plan matériel avec les mêmes inquiétudes existentielles qu'il connaît ou qu'il a connues pendant l'évolution. Et ça touche toutes les arcanes de sa vie, toutes les arcanes de la nature, toutes les arcanes de sa nature. À ce moment-là, le stress existentiel qui est généreusement offert dans une civilisation extrêmement compromettante et aliénante, ne l'affecterait plus au niveau psychologique et l'homme serait capable de vivre dans différentes sortes de civilisations, dans différentes architectures sociales et ne pas être affecté psychologiquement, psychiquement, émotionnellement par les avenues évolutives de ses constats ou de ses perceptions. Ils disent que la limitation de la pensée, c'est un des grands problèmes de l'humanité sur la Terre. Et si vous extrapolez sur la problématique de cette limitation-là, ben, vous regardez l'histoire de l'homme, vous regardez l'histoire des religions, l'histoire des politiques, l'histoire des religions et des politiques mélangées, comme on vit là, et vous avez suffisamment de problèmes dans le chaudron social ou dans le chaudron international pour avoir de l'angoisse pour le restant de vos jours. Ils disent que le plus grand problème qu'ils ont avec l'humanité de cette planète-ci, c'est la limitation de la pensée. C'est un problème très grave pour les autres plans, parce qu'il faut réaliser que la vie n'est pas simplement planétaire, physique. On ne vit pas simplement dans des espaces-temps matériels. Un jour, on change de plan. Ce que vous appelez la mortalité, on change de plan et on va ailleurs. Autrement dit, la vie est beaucoup plus expansive ailleurs qu'ici. La vie est très contrôlée, très limitée sur le plan matériel à cause de la domination des sens. Mais à partir du moment où l'homme sort de son corps ou est peut-être en vigile à l'extérieur de sa corporalité, l'homme sait ou accède des choses qui sont très, très vivantes. Donc, les plans, autrement dit les mondes ou les intelligences qui sont à l'origine de ce qu'on peut appeler la cosmopolitique, ont beaucoup de difficultés à traiter avec l'humanité planétaire parce que réellement, le rayonnement psychologique de notre ego est extrêmement faible. Bon, cette faiblesse-là, cette diminution-là de la conscience humaine sur la Terre est à l'origine ou fait partie des structures de ce qu'on appelle l'involution. L'involution, c'est-à-dire la descente de l'ego dans la matière. Avec l'évolution, autrement dit, la reprise de la conscience de l'homme et le recontact, la refacture de sa conscience au cours des générations, des siècles à venir, on appellera ça l'évolution, puis éventuellement, l'homme en arrivera éventuellement à reconquérir la totalité de son territoire psychique, parce qu'aujourd'hui, l'homme existe très, très peu sur le plan psychique. Il existe plutôt sur le plan psychologique, réflectif de son ego, dans une conscience matérialisée, cristallisée par ses sens. Ils disent que la limitation de la pensée de l'homme sur la Terre, c'est une erreur de construction. Autrement dit, avant que l'homme soit sur la Terre, avant que l'homme soit invité à incarner dans un corps matériel, les espèces intelligentes qui sont à l'origine de la construction des formes de l'esprit de l'homme et de ses corps subtils ont fait des erreurs de construction, et ces erreurs de construction-là sont à l'origine aujourd'hui de notre incapacité, de la limitation psychique de notre mentalité, autrement dit, de la grande ignorance qui existe dans la conscience des races humaines sur la Terre. C'est une erreur de construction qui, avec le temps, sera corrigée, mais c'est long. Ils disent en effet, c'est la limitation de la pensée humaine, c'est une erreur de construction au niveau des architectures du mental, et ainsi de suite. Mais d'un autre côté, ça va permettre à l'homme finalement de se libérer un jour, de se libérer des forces cosmiques. Parce que l'homme sur la Terre est extrêmement, extrêmement endetté aux forces karmiques, aux forces universelles, aux forces karmiques. L'homme est très prisonnier de son passé. L'homme est très prisonnier de la mémoire de l'âme, et c'est à cause de cet emprisonnement-là lié à la mémoire de l'âme qu'il n'est pas capable de s'autosuffire au niveau psychique. Mais avec l'évolution, l'homme reprendra sa conscience et reprendra aura complètement accès aux archives universelles qui font partie de sa conscience universelle. À ce moment-là, ben, l'homme sera réellement un être intégral et ne participera plus à la conscience de l'humanité. Ils disent le problème avec les limitations avec la limite de la pensée humaine, c'est que vous avez dans des mondes parallèles, des mondes qui nous sont invisibles à nos yeux, vous avez dans ces mondes-là des êtres qui utilisent la pensée humaine contre l'homme. Et cette utilisation de la pensée humaine contre l'homme, que j'appelle l'astralisation de sa conscience, est à l'origine des grands problèmes qu'on a sur la Terre à tous les niveaux et de l'ignorance qui couvre la superficie de la planète et qui structure l'évolution historique de la conscience humaine en fonction de la programmation karmique des âmes incarnées à l'extérieur ou à l'intérieur des structures sociales qui font partie du domaine de l'histoire. Et ça, c'est très grave parce qu'au niveau cosmique et au niveau universel, les entités qui, de très, très haut niveau, ont de la difficulté à se mettre en contact télépathique avec l'homme. Donc, l'homme est obligé, pour survivre sur le plan matériel, de réfléchir constamment par rapport aux événements de la Terre. Et en réfléchissant constamment par rapport aux événements de la planète, il n'est pas capable de créer une constante universelle pour établir un pont entre lui-même et l'invisible pour la correction des erreurs qui ont été commises à l'origine de sa création. Question? Une constante universelle, c'est une capacité à l'homme de pénétrer ou de se mettre en vibration pour aller s'informer, aller chercher de l'information dans les archives qui font partie de la mémoire cosmique. Tout est enregistré sur les plans et l'homme devrait être capable d'aller chercher cette information à volonté. Il n'est pas capable parce que sa pensée est trop limitée, parce qu'il est fondamentalement un être réflectif et la conscience de son ego est formulée ou est structurée par rapport à une mémoire de la race qui a une grande, grande influence sur son comportement social, psychique et philosophique et psychologique, de sorte que l'homme est extrêmement limité à s'allumer, c'est-à-dire à prendre conscience d'une totalité intégrale en ce qui concerne le phénomène. Mais ça regarde l'ego dans le sens que l'ego n'est pas suffisamment intégré à sa propre lumière pour pouvoir seul, de manière magistrale, entrer en contact avec les archives puis aller chercher l'information dont il a besoin pour s'éclairer sur un plan quelconque. Dans notre cas, c'est le plan matériel. Sinon, l'homme aurait une conscience universelle, donc il vivrait à l'intérieur d'une constante universelle. C'est pas normal que l'homme soit pas capable d'aller chercher dans les archives toute l'information dont il a de besoin pour s'instruire. Si vous avez, sur le plan psychologique, sur le plan historique, sur le plan philosophique, si vous avez besoin d'informations, vous allez à McGill, vous ouvrez les livres, si vous savez lire. Si vous ne savez pas lire, à ce moment-là, vous n'avez pas de constante planétaire. C'est la même chose au niveau des archives. Si vous n'avez pas de constante universelle, vous ne pouvez pas lire les archives. Donc, vous avez techniquement une conscience unitaire, planétaire très, très limitée, techniquement ignorante, même si vous avez un doctorat. Parce que vous n'êtes pas capable de vous instruire universellement des arcanes de la vie, de la nature, qui touchent à tous les aspects du phénomène humain, social, politique, génétique, whatever. C'est normal que l'homme ait accès à tout. L'homme devrait avoir accès à tout. Pour que ça, il faut qu'il soit libre de la limitation de sa pensée. Donc, il faut qu'il accède éventuellement à ce que j'appelle une constante universelle. Si on regarde à travers la lecture que je vais faire, qu'est-ce que c'est une constante universelle, ça devient intéressant. Une constante universelle, c'est techniquement l'empire de l'homme sur la forme. L'empire de l'homme sur la forme, ça veut dire que quand l'homme veut accéder à la forme, donc à la mesure de la vibration exprimée, c'est ça une forme, à ce moment-là, il y a empire dessus. S'il y a empire dessus, l'homme ne vit plus la limitation de ses sens, il ne vit plus la limitation de sa pensée, il accède aux archives universelles et il peut, selon le cas, selon le besoin, s'éclairer personnellement ou en éclairer d'autres si c'est nécessaire. Ça fait partie du mouvement de sa conscience dans le monde, en tant qu'individu. C'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Moi, si je veux savoir quelque chose, il faut que je le sache. Non. Il faut que j'aille le chercher. Parce que tu n'as pas besoin de questionner. Tu n'as pas besoin de au niveau d'une pensée libre. Tu n'as pas besoin de questionner pour savoir. Tu as simplement aller le chercher. Parce que le phénomène de questionner, c'est un phénomène de curiosité. Moi, je n'ai pas ça. Oui, questionner. Si vous me posez une question, ben, je vais vous répondre. Moi, je ne m'en pose pas de questions parce que je ne pense pas. Fait que ce problème-là, je ne l'ai pas. Mais si on me pose une question ou si j'écris un livre, je vais le chercher. Mais ce que je vais chercher, c'est seulement la vibration. Après ça, la vibration se transforme en forme pour l'écriture, comme elle se transforme en forme pour le langage, ou comme elle se transforme en forme pour répondre à vos questions. Les questions que vous me posez, qui sont intelligentes, moi, je ne me pose pas, je ne me suis jamais posé. Je n'ai pas besoin de me poser parce que je ne pense pas. Par contre, il faut que je sois capable d'y répondre. Sans ça, je n'ai pas la fin ici. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Bon, si on regarde ça, ce que vous dites, au niveau de la lecture, votre introspection, c'est le début du mouvement de votre conscience vers une infinité. Mais votre introspection, elle va être finale, elle va être totale, elle va être parfaite quand vous accéderez à votre propre infinité. Mais c'est quoi votre infinité? C'est votre capacité d'avoir ou d'atteindre ou d'accéder à une constante universelle, c'est-à-dire pouvoir savoir ce que vous avez de besoin. Pas savoir n'importe quoi que tu n'as pas de besoin. Il y a trop d'intelligence dans l'univers pour perdre son temps avec ça. Mais d'avoir besoin de ce que vous avez besoin de savoir. Fait que l'introspection, c'est le début de ça. Mais dans l'introspection, il y a un problème. Dans l'introspection, il y a toujours le problème qu'il y a une réflexion un petit peu. Il y a toujours un petit peu de réflexion dans l'introspection. Et il y a un problème avec la réflexion, c'est que la réflexion, de par sa nature, ça diminue le pouvoir de l'esprit. Parce qu'oubliez pas une chose, ce qu'on appelle l'esprit ou l'intelligence intégrale, c'est pur ça. Autrement dit, ça n'a aucune base dans l'ego. Alors, si c'est pur et ça n'a pas de base dans l'ego, il faut absolument que l'ego, lui, en tant que vecteur humain, soit capable d'accepter l'infinité de cette affaire-là. Pour ça, il faut que l'ego soit capable d'accepter ça sans vivre le doute de ça. Là, il est là le touch. Il est là le test. Fait que quand vous faites de l'introspection, vous allez aller aussi loin que votre ego vous le permet. C'est ça le problème de l'introspection. Là, l'ego, à un certain moment donné, vous allez vivre un shutdown. Où vous vivez le shutdown, c'est là que l'infinité apparaît. Vous autres, vous arrêtez là. C'est pour ça que dans l'introspection, ou même dans l'intuition, il y a toujours un peu de réflexion de l'ego. C'est pour ça que ça fait aussi partie des outer limits de la pensée limitée. Mais c'est déjà un mouvement créatif, partiel. OK? Bon, ils disent que... Merci. Ils disent qu'un des grands problèmes de la pensée limitée, c'est la polarité. Je vais l'étudier avec vous autres, la polarité, à un autre niveau. Qu'est-ce que c'est la polarité? La polarité, au niveau mécanique, c'est l'inhabilité de l'homme de détruire sa propre pensée. Je vous donne un exemple. Parce que c'est pas évident, là, ce que je vous dis, là. Tu prends un type qui est né catholique. Ou un type qui est né mahomédan. Si tu es né mahomédan, puis tu veux passer à une conscience universelle, tu vas être obligé quelque part de faire sauter le concept d'Allah. Si tu n'es pas capable de faire ça, oublie ça. Si t'es catholique, puis tu n'es pas capable de faire sauter le concept de Dieu, oublie ça. Parce que ton introspection va t'amener au point, puis elle va t'arrêter au point où l'infinité commence. Comment est-ce que tu veux accéder aux archives universelles si tu n'es pas capable de faire sauter les concepts fondés sur une infinité réfléchie qu'on appelle dans la dialectique universelle philosophique Dieu? Dieu, le concept de Dieu, c'est la dernière des montagnes que l'homme va être obligé de dépasser pour en arriver un jour à entrer dans les archives universelles. Parce que si l'homme un jour pourra en arriver à avoir de l'autorité dans le mental. De l'autorité dans le mental, ça veut dire que l'homme sur la terre, dans la chair, sur le plan matériel, est capable de définir ce qui se passe dans les états de vie. Tu n'as pas besoin d'être mort pour savoir ce qui se passe dans la mort. Tu n'as pas besoin d'être mort pour parler aux morts. Il faut que l'homme soit libre de pouvoir exercer sa conscience universelle en fonction de, justement, de cette liberté de penser. Mais s'il n'est pas capable d'éliminer le grand concept qui a dominé sa conscience évolutive, qui est le concept de Dieu, que ce soit au niveau catholique, musulman ou n'importe quoi, à ce moment-là, il ne pourra jamais en arriver à entrer dans les arcanes universels. Il va toujours rester prisonnier de la mémoire de la race. Tu comprends ce que je veux dire? Pour le faire, pour sortir de cette mémoire-là, il faut éventuellement que l'homme subisse le test de la polarité. La polarité, ça veut dire que il y a deux forces dans l'homme. Il y a une force positive et une force négative. La force positive, c'est ce qui est bon. La force négative, c'est ce qui est mauvais. Dieu, lui, le concept de Dieu contient les deux. Si l'homme n'est pas capable, émotionnellement, ou mémoriellement, ou psychologiquement, ou philosophiquement, ou psychiquement, de passer d'une vibration à l'autre, de pouvoir ne pas être prisonnier du positif, puis ne pas être prisonnier du négatif, à ce moment-là, il détruit la fondation psychologique de la construction triangulaire de son ego, dont Dieu est l'apex. C'est pour ça que les gens qui vivent en contact, par exemple, les gens qui s'avancent vers une sorte de conscience un petit peu plus avancée, un petit peu plus ésotérique, un petit peu plus occulte de la conscience humaine, éventuellement en arrivent à vivre l'impression qu'ils sont en train de craquer. Pourquoi? Parce que l'impression de craquer, ça fait partie du grand test de la polarité dans l'ego. Si l'homme est capable de supporter l'impression qu'il craque, à ce moment-là, il n'est plus craquable un jour. Quand tu ne peux plus craquer, à ce moment-là, tu commences à rentrer dans les archives universelles. Tant que tu penses que tu peux craquer, à ce moment-là, c'est parce que tu as encore trop d'ego. Autrement dit, tu n'as pas passé à travers la polarité de ta conscience. Tous les initiés au cours de l'évolution, tous les êtres qui vont atteindre un certain niveau de conscience, autrement dit, de développement, de liberté, de pensée libre, vont en arriver à subir, à un niveau ou à un autre, ce que j'appelle le choc de la polarité. Parce que la polarité, c'est la porte qui garde l'homme dans l'inconscience. La réduction ad absurdum de la polarité, c'est-à-dire la capacité de comprendre, de passer du négatif au positif pour en arriver finalement à faire une intégration de toute l'énergie de la conscience humaine, il va falloir que l'homme se libère de la polarité, il va le vivre. Ça va faire partie de son évolution. Quand les psychologues disent souvent, par exemple, le génie et la folie, c'est proche. Le génie et la folie. Vous avez vu le film, là, comment est-ce qu'on appelle, là? A Beautiful Mind? Hein, t'es un mathématicien, t'es autrement dit un génie, qui vit à schizophrénie, autrement dit la folie. Le génie et la folie, c'est proche. Pourquoi est-ce que c'est proche, le génie et la folie? Parce que les gens qui sont géniaux, autrement dit, qui ont du génie, même s'ils s'en rendent pas compte, parce que c'est pas parce que t'es un génie que tu sais ce qui se passe dans ta tête. C'est simplement le véhicule de tout ça. Mais souvent, les gens qui sont géniaux sentent qu'il y a des forces en eux autres qui sont agissantes. Les grands écrivains dans le temps appelaient ça des muses. Je ne sais pas moi, Chateaubriand, Hugo, les grands peintres, ils savent que même celui qui écrit des livres, là, l'Américain qui écrit là, des livres, Stephen King, là, il est après écrire un livre là, qui s'appelle On Writing. Au lieu d'écrire ça, d'écrire sur writing, l'écriture, il écrit son livre sur le On Writing. Autrement dit, comment est-ce que ça marche son écriture? Qu'est-ce qui se passe dans l'écriture? Puis il en parle de ses muses, il en parle de ses forces qui sont en dehors de sa conscience délétère et qui s'exécutent à travers lui, qui lui donne la caractéristique d'être génial, le sens d'avoir accès à de l'information dans une quantité qui dépasse en général la pensée limitée réfléchie de l'ego. Donc, le phénomène de la polarité, ces gens-là ont tous vécu un petit peu de folie, un petit peu de schizophrénie, un petit peu de grand questionnement. Puis plus tu vas loin dans le culte de la conscience, bien plus tu le vis, plus tu vis cette polarité-là, et éventuellement, quand tu es capable de la vivre là, dans son... dans l'extinction totale de l'ego, à ce moment-là, tu es définitivement... tu as définitivement accès aux archives universaires, puis tu es dans... tu as une conscience télépathique, tu n'as plus de conscience réfléchie, tu n'as plus besoin de penser, et tu peux pas... tu peux communiquer à différents niveaux avec le monde sur le plan matériel ou avec des entités sur les autres plans, et à ce moment-là, ben, tu as accès à une pensée libre qui n'est plus ou qui est totalement libérée du connu, comme disait Krishnamurti dans le temps. Parce que tant que la pensée n'est pas libérée du connu, la pensée, elle est contenue dans les archives mémorielles d'une conscience planétaire qui fait partie de la mémoire de la race. Tu vas aller nulle part avec ça. T'sais? Ça, tu peux aller à l'Université McGill puis faire une thèse doctorale en citant ce que l'autre dit puis ce que l'autre dit, mais tu ne vas jamais éclairer l'humanité. C'est pour ça que les gens qui font des thèses doctorales amènent très peu de lumière à la Terre. Pourquoi? Parce que dans le doctorat, il n'y a pas d'intelligence. Il y a simplement de la grande réflexion et une grande utilisation de la mémoire à des niveaux qui sont suffisamment subtils et développés qu'en général, les masses, ça les éblouit, mais il n'y a rien d'éblouissant là-dedans. C'est que la réduction ad absurdum du processus analytique. Mais où il y a créativité, dans le domaine des mathématiques, par exemple, ou dans le domaine des grandes conceptions abstraites, à ce moment-là, les gens qui sont possédants de ces vibrations-là, ou qui sont exécutants de ces vibrations-là, ce sont réellement ces gens-là qui font avancer le monde. Puis souvent, ils payent le prix parce que il n'y a pas de psychologie dans le monde supportée par les universités, par les gouvernements ou par les institutions pour expliquer à l'homme l'infrastructure psychique et occulte de son moi planétaire pour qu'il en arrive un jour à mettre le doigt sur les infrastructures psychiques et occultes de son moi interplanétaire. Donc, on a du chemin à faire. Moi, ça fait 30 ans que je passe mon temps à dire, j'ai même pas commencé à parler encore. Fait que ça vous donne une idée qu'on est réellement ignorant. T'sais. On sait rien. Pour rentrer dans l'absence de limitation de la pensée, il faut avoir en tant qu'ego une très grande aversion pour la pensée. Si tu n'as pas d'aversion pour la pensée, c'est évident que l'homme ne pourra pas vivre d'une conscience mentale libre. Vous autres, pour l'homme en général, penser, c'est le fun, parce que vous êtes tellement habitués à aller clopin-clopin dans votre vie, à un niveau de pensée réfléchie, que vivre ou avoir la notion, ou prendre conscience de la notion d'une pensée non réfléchie, où tu ne peux plus penser, pour vous autres, pour l'homme, je ne parle pas de vous autres dans la salle, là, mais pour l'homme en général, c'est très inquiétant au niveau de l'ego. Mais l'homme va être obligé de faire ce saut-là un jour, parce que c'est à partir de ce point-là qu'il va rentrer dans une autre étape où il va pouvoir convertir finalement la vibration dans une forme, mais cette fois-ci librement, c'est-à-dire dans le cadre d'une conscience qui a accès à volonté à ce qu'on appelle les archives universelles. Autrement dit, ce qui est su et connu. Question? Et je continue. Il dit, un des problèmes que vous avez en tant qu'ego sur le plan matériel, il dit, c'est que quand vous savez quelque chose, vous le questionnez. Quand vous savez quelque chose, vous le questionnez. C'est comme si l'ego a peur de savoir qu'il sait quelque chose tout seul. Fait que si moindrement tu sais quelque chose, exemple, si tu sais que Dieu n'existe pas, là tu vas le questionner, tu vas aller voir le curé, tu vas dire, Dieu existe-tu? Il va dire, ben oui, là t'es fait à l'os. Puis on fait ça constamment. Aussitôt qu'on sait quelque chose, on le questionne. Fait que, il y a des gens qui sont très, très habiles à ça. Il y a des gens qui savent des choses incroyables, Moi, il y a du monde qui me parle des fois, puis je le dis, parce que moi, quand je parle avec le monde, j'établis toujours des règles du jeu. Je leur laisse toujours savoir que je ne suis pas plus intelligent qu'eux autres. La seule chose, c'est que j'ai accès à plus d'intelligence facilement qu'eux autres. Mais je ne suis pas plus intelligent qu'eux autres. Fait qu'à ce moment-là, ça les calme, le casse. Puis s'ils me disent quelque chose qui a de l'allure, je suis obligé de leur dire, « Bon, mais ce que tu dis, c'est ça. » Moi, j'en connais un homme intelligent, il est type. Ça, c'est un gars intelligent que je connais depuis des années. Un grand intuitif. Quand tu parles avec un type comme ça, qui comprend la game, puis que toi, tu comprends la game, à ce moment-là, tu t'aperçois que l'homme peut pas être l'homme n'est pas intelligent tout seul dans la vie. Il y a bien du monde intelligent dans la vie. Puis moi, j'entends du monde parler des fois qu'ils sont réellement intelligents, puis ils réalisent même pas que ce qu'ils viennent de dire, ça vient pas d'eux autres. Puis si tu disais, tu viens de dire ça, ils disent, ah, ben non, j'ai pas dit ça. C'est pas ça que je voulais dire. L'ego ferme la trappe tout de suite. Parce que l'ego est pas capable de supporter tout seul. Il est pas capable de supporter tout seul. Il a de la difficulté à supporter tout seul. Qui sait? Ça, c'est très grave pour l'homme. De ne pas être capable de supporter tout seul ce qu'il sait, puis c'est certainement pas nos parents qui nous aident, c'est pas les curés qui nous aident, c'est pas les institutions qui nous aident, il n'y a personne qui nous aide. Puis c'est, tu rencontres des gens dans la vie qui. Moi, je rencontre bien du monde dans la vie, puis c'est toujours la même histoire. Le monde, les gens me comptent des histoires, des perceptions qu'ils ont. J'ai dit, t'as-tu déjà dit ça à quelqu'un? Là, je parle des professionnels, là, des avocats, des médecins, des physicistes. T'as-tu déjà dit ça à quelqu'un? Il dit, ben non, je ne peux pas parler de ça à mes collègues, ils vont penser que je suis faux. Ça, c'est l'histoire classique. Je ne peux pas parler de ça à mon monde, ils vont penser que je suis faux. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le gars, l'ego? Ben, il renfoule, puis il renfoule, puis il renfoule, puis éventuellement, il devient tellement habitué à renfouler qu'il est plus capable de se libérer du connu, puis éventuellement, ben, il finit comme tous les autres, un ignorant bien éduqué. Fait que si vous savez quelque chose, trouvez-vous un partenaire. Parce que c'est évident, vous n'êtes pas capable de parler tout seul encore, parce que même là, si vous parlez tout seul, vous allez vous inquiéter. Vous n'êtes pas capable de vous parler tout seul sans vous inquiéter. Ou si vous parlez tout seul, vous posez la question, je suis en train de capoter. Le psychiatre, qu'est-ce qu'il va te dire, si tu parles tout seul, on va te donner des pilules. Le curé, si tu parles tout seul, qu'est-ce qu'il va te dire, ben, tu parles à Satan. Fait qu'on est toujours dans la merde. Tandis que si tu as quelqu'un qui est sympathique, puis tu dis, je parle tout seul, puis il dit, ben moi aussi, bon, ben là, t'es correct. Là, tu viens de régler ton affaire. Si t'en as quatre de même, ben là, tu fais réellement régler ton affaire. Moi, j'en ai 5000 chums dans la province de Québec qui parlent tout seul. Ben, je viens de régler mon affaire. Mais la seule différence, c'est que moi, la différence entre vous autres, c'est que moi, j'ai commencé tout seul à me parler de ça, là. Fait que là, c'était tough, parce que j'avais pas de chum dans ce temps-là, vous dire, je suis correct. Je me rappelle, moi, en 69, quand je me parlais de ça. J'étais dans la jungle au Mexique pour ça. C'était loin longtemps, ça. Oui, mais ça, c'est il m'a protégé contre des accidents d'automobile. Parce que je t'ai dit que j'étais pas mal sauté dans ce temps-là. Bon. Fait que. Arrêtez donc de vous questionner. Mauvaise habitude. Ils disent que l'ego se donne des problèmes. Exemple. Donnez-vous des problèmes. Bon, si vous êtes un chrétien ou si vous êtes un musulman, ben, donnez-vous des problèmes. Allah, il existe-tu ou non, il n'existe pas? Dieu existe-tu ou il n'existe pas? C'est peut-être plus dur pour un musulman ça, de répondre à ça qu'un chrétien. Mais c'est un bon départ, ça. Dieu existe-tu pour vous ou il n'existe pas? Check ça. Si vous êtes un ancien curé, une ancienne sœur, si vous avez été bien religieux, si vous avez un certain âge, check ça. Dieu existe-tu? Comment est-ce que vous allez... Parce qu'il faut résoudre le problème de Dieu un jour. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le concept de Dieu, c'est le concept qui empêche l'ego de subir la polarité. Quand tu as le concept de Dieu, quand tu crois en Dieu, le bien et le mal est dans ses mains. C'est lui qui rend le show du bien et du mal. Toi, tu n'as plus de problème de bien et de mal. Tandis que quand tu es seul, puis tu as éliminé consciemment le concept de Dieu, là, c'est toi qui es obligé de délier avec le bien et le mal. Là, c'est toi qui deviens Dieu. C'est toi qui deviens la tête du triangle, puis tu es obligé de délier avec le bien et le mal. C'est toi qui es obligé de faire une bonne action, puis c'est toi qui es obligé de faire une mauvaise action. Puis quand tu fais la bonne action, il faut que tu sois sûr que ce soit intelligent. Puis quand tu fais la mauvaise action, il faut que tu sois sûr que ce soit intelligent aussi, parce que Dieu est toujours intelligent. Comprends-tu, tu sais? C'est subtil. Tu sais, quand tu vas à l'église le dimanche, puis tu donnes 10$ dans le bol, il n'y a pas de problème pour toi de supporter la bonne action. Ce qui est bon, c'est bon. Si tu as bien de l'argent, c'est intelligent. Mais si un gars vient chez vous, puis il vole dans ta maison, puis il viole ta femme, puis t'ingonne, là, tu vas voir, là, faut que. Puis il risque. Supposons que tu sais qu'il peut tuer ta femme, il peut tuer ton enfant. C'est un vrai criminel. Mais t'as un gun dans ton tiroir. Là, il faut que tu fasses une mauvaise action pour prendre le contrôle de la situation. Si tu n'es pas capable de faire la mauvaise action puis supporter ton action négative, à ce moment-là, tu es fait à l'os. Le gars, il va violer ta femme puis il va peut-être te tuer aussi. Mais si tu es capable de supporter la mauvaise action parce que tu es finalement libre du concept de Dieu, à ce moment-là, ben, tu n'as plus de problème de tuer le gars dans ta maison. Même tu es content de le faire. Tu le ramènes simplement à ses plaies. Tu aides la société. Tu comprends? Moi, un gars qui vient chez nous, il est fait, ça c'est sûr. Comment je serais à Bernard de Montréal, que je serais bien conscient. Le gars, il sort pas de la maison, c'est sûr. Je vais le mettre d'un drap, d'un sac, je le mets dans le lac, je le donne, c'est sûr. Il n'y a personne qui va le savoir. J'ai aucune émotion, c'est réglé mon affaire. Don't fuck with me in my house. Ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas, mais le problème de Dieu, donc le problème de la moralité sociale, et ainsi de suite. Je ne l'ai pas. Je suis capable de dealer avec le positif, puis je suis capable de dealer avec le négatif, parce que j'ai réglé le problème de polarité. Je vais très bien dormir le soir quand tu vas être sous l'eau, lui. Ça, c'est sûr. Tandis que vous autres, vous allez avoir des inquiétudes. Vous allez faire des gaffes. Vos émotions vont vous faire des gaffes. Au point que un jour, vous allez dire quelque chose dans un restaurant, puis il va y avoir une police à côté, puis tu vas te faire donner. Rien qu'à cause de tes émotions, tu vas te donner. Parce que moi, c'est fini. Il est mort. Même je vais y parler, mais que ce soit de l'autre bord. Je vais aller le voir en astral. Fait que le problème de la polarité, c'est bien, bien important. C'est le grand problème de l'évolution. Puis c'est pour ça que les religions, qui sont très nécessaires pour les masses, ça je suis sûr, puis j'ai pas de problème avec ça, les religions sont très nécessaires pour les masses, parce que l'homme est trop ignorant pour passer à la conscience, l'homme a besoin de religion, mais les religions ont créé tellement de polarité dans la conscience humaine qu'aujourd'hui, l'homme est émotivement prisonnier de son ego. Rien qu'avec ses émotions spirituelles. L'homme aujourd'hui est prisonnier de son ego, puis ça mène à quoi? Ce qu'on vit dans le monde, les guerres, les deux. Mais un jour, ça va disparaître des régions, puis ça va être très long, parce que l'humanité, c'est un processus évolutionnaire, c'est très long. Regarde ce qui se passe en Palestine, là. C'est en Israël, c'est abominable. Fait que ça fait partie du karma des nations. Je t'en occupe pas. Il dit la pensée chez l'homme est limitée à un tel point qu'on ne peut pas parler avec. On a des beaux radios, on a des Philips, on a des Sony. Puis le cristal, il est mort. Puis on a des radios parfaits. Il n'y a aucun problème avec l'homme. C'est une machine super. Mais on est toujours sur le AM. On ne sait même pas que ça existe, le FM. On est sur le AM. Puis c'est le fun, le AM. On a écouté pendant des siècles du AM. On pense que c'est rien que ça qui existe du AM. Tu dis au gars, il y a un FM. Ben non, c'est rien que du AM. Question sur la limite de la pensée. Est-ce que l'élargissement de la pensée, ça va avec l'ouverture de la conscience, l'agrandissement de la conscience? Ça fait partie de ça. C'est l'équivalent. Hein? C'est ça. L'agrandissement de la conscience s'amène à l'ouverture de la pensée, le développement de la pensée. La conscience, en tant que telle, c'est quelque chose qui ne se fait pas, mais qui... La conscience en tant que telle? Il dit la conscience en tant que telle, il dit c'est la capacité de l'ego d'être libre de la pensée. Plus l'ego est libre de la pensée, mais plus il est conscient. C'est plus mal. La phrase en fait, c'est pas la place. Oh! Il dit sans tête de cochon de l'ego. L'opposition que l'ego met. Tout le temps. Il ne dit pas que tu ne veux pas évoluer. Il veut évoluer, mais il veut évoluer sans souffrance. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Il dit parce que l'ego, sa structure émotionnelle et mentale, c'est de l'opposition à la lumière. Non, la lumière n'a pas de souffrance. C'est quand 40. C'est pas le mien, non. C'est tout l'ego. L'ego, c'est le plan. C'est parce que au niveau international, par exemple, c'est toujours un ego plus ou moins évolué selon l'individu. C'est ça. C'est pas un mal féminin qu'on a fait. C'est ça. Notre ego nous situe à un certain niveau. C'est ça. Exactement. Question? Oui? Est-ce que plus on est conscient, plus la conscience est forte ou moins forte? Ah, ça c'est intéressant. Il dit, plus vous êtes conscient, il dit, plus notre présence est forte, leur présence est forte en nous autres. Puis le fait de leur présence, quand tu prends conscience que tu es réellement habité des autres plans, à ce moment-là, leur présence est très forte, donc leur volonté est très grande. Puis ça, c'est dur pour l'ego. Ça, c'est dur. C'est dur. Puis ça, ça crée une souffrance. Puis plus tu es conscient, mais plus cette souffrance-là est aiguë. Par contre, ça, c'est quand ils font du travail de transmutation. Mais quand il n'y a pas de travail de transmutation, à ce moment-là, ben la vie de l'ego est très créative, est très plaisante. Comme là, je ne souffre pas. Là. T'sais. Mais matin, il va souffrir à 9h15, bien là, tout de suite, je ne souffre pas. Fait que demain matin, mec, je souffre à 9h15, bon, là, il va y avoir une souffrance, ça va être aigu, mais ce qui arrive, c'est que l'ego devient tellement habitué à la game que même dans la souffrance, tu souffres pas pareil. Après 30 ans de fusion, dans mon cas, je ne souffre plus comme je souffrais en 69. Fait qu'il y a une souffrance quand ils travaillent sur tes corps subtils, parce qu'ils sont toujours après ajustés. Par contre, tu ne souffres pas pareil, parce que tu sais qu'il y a une illusion, là. Tu comprends l'illusion, là. Ils te font voir tes inquiétudes, si t'en as, whatever it is. Ils en font du clean-up. Mais éventuellement, tu deviens tellement habile là-dedans. C'est un petit peu comme un gars qui fait des Olympiades. Le coach, il l'aïe, puis il l'aïe, puis il l'aïe. Mais éventuellement, quand il est coaché pendant 10 ans, là, le coach travaille encore. La souffrance est encore là de se faire dire de faire un autre 15 000. Mais c'est moins souffrant qu'avant parce que il connaît les résultats. Il sait ce que ça fait. Il sait qu'il y a un bon coach. On y adhère moins. Et là, ben, on y adhère moins. Moi, quand je souffre, c'est bien aigu. Mais je vis plus ça comme avant. Mais c'est aigu. Je les haïs, c'est terrible. Mais par contre, je connais la game. Fait qu'à ce moment-là, la souffrance est moins au niveau de l'ego qu'elle est au niveau seulement purement énergétique. C'est au niveau du système nerveux. Mais là, ça dépend des individus. J'essaie de vous expliquer un petit peu comment ça. Pourquoi je vais souffrir mes 21h15? Parce qu'ils vont ajuster mes corps, mes 21h15. Ça va durer 2-3 minutes. Mais 2-3 minutes, c'est un petit fine-tune. Ça te regarde pas. Mais moi, je vais le savoir demain matin, 9h15. Ils me diront pas tout de suite. Ils vont dire, tu verras demain matin, 9h15. Oui? Le libre choix d'ego pour développer... Il dit quand il développe, quand il en arrive à développer, à dépasser les craintes qui sont connectées à ça. Les craintes. Parce que dans la souffrance d'ego, il y a toujours de la crainte. Il n'y a pas de crainte quand tu es heureux. Pas quand tu fais l'amour à ta femme que tu as de la crainte. C'est quand tu ne peux pas y faire l'amour. Fait que quand il en arrive à se libérer de la crainte, c'est là qu'il commence à rentrer dans la liberté de sa conscience mentale. Parce que la crainte, c'est une caractéristique de l'architecture astrale de la conscience humaine. C'est ça qui est à la base des illusions, dit tout. Plus l'ego devient conscient, mais moins il y en a, bien, plus sa pensée devient libre, moins elle est restreinte, ainsi de suite. Ils disent que quand la pensée de l'âme est trop limitée, à ce moment-là, ça permet à des entités astrales de rentrer dans la conscience de l'homme au lieu qu'il soit en contact avec sa source. C'est pour ça que c'est dangereux, la limite de la pensée. Les gens, par exemple, qui vivent la folie et ainsi de suite, c'est des pensées trop, trop limitées, ça. Donc, à ce moment-là, ben, l'astral rentre en jeu, là, tu as des entités, tu as des problèmes de maladie mentale. Comme j'ai dit, il y a 20 ans, au 21e siècle, le grand problème de l'humanité, ça va être la maladie mentale. Parce que l'homme devient de plus en plus incapable de traiter avec l'aliénation que lui impose une société mécanique. Fait que si l'homme n'est pas solide mentalement, émotionnellement, et ainsi de suite, avec ce qui se passe et ce qui va se passer, il va avoir beaucoup de maladies mentales. Ça fait partie des limites de la pensée. Tandis que si l'homme était réellement libre dans sa conscience mentale, quelles que soient les conditions de l'évolution, les conditions historiques de la Terre, à l'avenir, à tous les niveaux, l'homme ne sera jamais affecté par ce qui se passe dans le monde. Tu comprends? Ils disent que la chose archive, ça fait partie de la domination de l'homme sur la femme. Ça fait partie de son droit à l'homme d'accéder à la femme. Il y a des contrôles, ça je suis d'accord. Il y a des contrôles sur la femme. Parce que s'il n'y avait pas de contrôle sur la femme, l'homme aurait des connaissances sur la terre qui seraient trop rapides, trop avancées pour sa civilisation, ça créerait des dégâts. Mais pour son bien-être à lui, l'homme devrait avoir accès, dans un temps ou dans un autre, aux archives. Donc, à la forme. C'est un droit qui revient naturel, ça. Mais ça ne peut pas y être donné gratuitement. Il faut qu'il y ait transmutation de séquence. Parce que si l'homme était donné une conscience libre comme ça, qu'il avait accès aux archives, à toutes ces connaissances-là, et qu'il y aurait de la réflexion dans l'ego, ben, l'homme voudrait posséder l'homme, ce serait de la domination abominable. Puis on aurait de la magie noire sur la terre. Fait que ça ne sera jamais permis, ça. Ils disent que l'étude de l'homme devrait être basée sur l'étude de sa pensée. Quand vous pensez à quelque chose, vous devriez être capable de l'étudier, de le comprendre, de le savoir. Pourquoi vous pensez de même? Si vous n'êtes pas capable d'évaluer votre pensée, surtout quand votre pensée est traumatisante ou aliénante à ce moment-là, bien, vous êtes prisonnier de cette pensée-là. Et en tant qu'ego, vous allez en souffrir. Vous êtes supposé de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Fait que si tu as une pensée dans ta tête qui te passe dans ta tête comme t'es jaloux, ou t'es paresseux, ou t'es ci, ou t'es ça, faut que tu saches qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Si tu sais pas ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, ta pensée est extrêmement limitée, extrêmement limitative, puis à ce moment-là, t'as un problème psychologique, parce que tu vas croire que ce qui se passe dans ta tête, c'est réel. Tu vas croire que t'es jaloux, puis tu vas croire que t'es paresseux, alors que c'est simplement de la manipulation à partir du plan astral par une entité qui essaie de taper sur ta ligne. La lumière ne parle pas à l'homme de même. Fait que le problème de la limitation de la pensée chez l'homme, c'est un problème qui est très grave. Et on le réalise au fur et à mesure qu'on évolue. Il dit, à la mesure où l'homme se situe par rapport à lui-même, il doit en arriver à se situer par rapport à nous autres. Tu ne peux pas te situer par rapport à toi-même de manière parfaite si tu n'es pas capable de te situer en tant qu'homme par rapport au plan. Ça, c'est un exercice en conscience. C'est un exercice en conscience. Fait que si tu vis, si tu as des pensées comme t'es, que une pensée comme t'es jalouse ou t'es jaloux ou t'es paresseux, puis que vous savez que la pensée vient d'ailleurs, à ce moment-là, tu es capable de questionner la validité de cette pensée-là. Fait qu'à ce moment-là, tu te situes par rapport au plan. En situant par rapport au plan, si ça vient du plan astral, autrement dit, des niaiseux dans le plan astral, tu vas le savoir, fait que là, automatiquement, tu vas t'en libérer. Puis ça vient du plan mental, mais tu vas savoir simplement qu'il faut un travail sur ta conscience psychologique pour voir jusqu'à quel point tu poignes dans la game. Alors, tu peux pas... La grande histoire de se connaître soi-même, c'est facile, se connaître soi-même. C'est pas aussi compliqué que Socrate le dit. C'est bien plus facile. Par contre, c'est beaucoup plus dur. C'est facile si tu as accès au plan, puis c'est Dieu, c'est une pensée limitée par la réflexion. Et tout ça, ça demande la transmutation du corps mental de l'homme, puis la transmutation de ses émotions, puis c'est ça qu'on appelle